Alors, lorsqu'on parle de la glacière, les gens, c'est drôle, ils ont dû lire des ouvrages sur les glacières de la Sainte-Baume. Ils savent ça, mais ils ne savent plus la fabrication de la glace moderne, entre guillemets. Moderne, c'était encore il y a 30 ans, quoi. Nous avions deux fabriques de pain de glace. Voilà. Ça vient de loin, ça. Mon père était navigateur, il a été carrier, on en parlera peut-être. Il a été carrier, puis un jour, il est tellement crevé par l'intensité, la dureté, la longueur du travail, il a jeté ses outils à la mer. Il les a jetés à la mer, il a dit, même si je meurs de faim, je ne ferai jamais plus ce métier. Et pour plus le faire, je jette les outils. Il les a jetés pour de bon. Travailler chez le père Roche. Le Ici, père hein, ça c'est Roche, des gens de Cassis. une carrière, ouais, c'est ça. Le père Roche, dont C'est bien nommé. la petite fille, l'arrière-petite fille, c'est Marie-Noël. Ah oui. Roche, Eh Inard, oui, c'est Marie-Noël, notre locataire, voilà, qui habite à la fin, c'est rigolo. Bon, donc mon père part naviguer, et il a fait une carrière un peu de temps. Mon père, qui était allé que 4 ans à l'école, il savait à peine lire et écrire, mais mon ami, il a été un homme exceptionnel, puisqu'il a fait une carrière de second cambusier sur la meilleure ligne, qui était les messageries maritimes, et sur les plus beaux bateaux des messageries maritimes dans les derniers temps. Ce qu'on appelait les trois mousquetaires, les bateaux blancs, Athos, Porthos et Aramis. J'ai les photos, j'ai tout là-dedans. Et vous savez que les marins, encore aujourd'hui, ils ont de très longs congés entre les voyages. Lorsqu'ils font des voyages très longs, ils ont plusieurs mois, plusieurs semaines de congés. Et lorsque ces congés tombaient en été, mon père faisait des voyages de 3 mois. Hein, il faisait l'Indochine, il faisait Madagascar, enfin, etc. Lorsqu'il ça tombait en été, le père Brun, qui avait la première fabrique de glace, lui disait, Xavier, mon père s'appelait Xavier, Xavier, tu viens m'aider. C'était un monsieur, le père Brun, qui avait été un grand blessé de la guerre de 14. Il avait été gazé, il s'étouffait, il ne pouvait pas faire d'efforts. Et en même temps, il avait reçu une blessure au poignet. Sa blessure ne guérissait pas, il avait un poignet toujours enflé et il souffrait beaucoup. Et ça suppurait, ça, depuis la guerre de 14, on était en 1936, là, hein, je veux dire que. Et alors, mon père, qui était un gros travailleur, un homme honnête, un homme intelligent, un homme avec de la jugeote, de la réflexion, a tellement convaincu Marius Brun que le père Brun, qui n'était pas marié, lui a dit. Il avait pourtant un frère qui était boucher charcutier ici et un neveu, René, qu'on a bien Oui. connu, et qui aurait bien voulu avoir la fabrique. Mais monsieur Brun a dit, Xavier, tu devrais m'acheter la fabrique, je te ferai des facilités, etc., etc. Alors j'abrège là. Hein. Il se trouve que la guerre menaçant, 1938, première mobilisation, démobilisation, remobilisation. Ma mère télégraphie à mon père à Saigon. Elle lui dit, prépare-toi à débarquer définitivement. Nous achetons la glacière à Monsieur Brun. Voilà. Et le 1er mai 1939, mon père achète la glacière. Mon père et ma mère achètent la glacière. Voilà. Alors, pardon? Ah, c'est vrai. Ah, moi, je parle beaucoup avec les mains. Hein. C'est vrai, tu as raison. Alors, donc, la fabrique de glace, ça consistait en quoi? C'était un tout petit truc, c'était grand. La fabrique, le lieu où on fabriquait les pains, c'était grand. Moins grand que la pièce, vous voyez. Les 2 tiers de la pièce. Alors, c'était un bac semi-enterré, un bac étage, contenant de la saumure, afin que l'eau recevant le froid, ne gèle pas, dans laquelle il y avait un dispositif supportant des moules, c'était des moules de forme trompe pyramidale, en quelque sorte, qui recevaient l'eau non salée, qui elle gelait plus rapidement que l'eau salée. Voilà. Alors on trempait ça, c'était à l'unité, on les tirait à la main, en fait, il n'y avait pas de dispositif de palan ni rien. Et on faisait là 2,5 tonnes par jour de glace. Pour les bistrots, Qu'on vendait au les bistrot, qu'on vendait sur poissonniers, place, aux etc. particuliers. Aux particuliers, mais glaciers, on ne livrait pas. À l'époque, on ne livrait goûter à pas, la glacière. sauf à la coopérative des pêcheurs. Parce qu'ici, il y avait 37 bateaux de pêche, surtout de pêche à la sardine, qui prenaient beaucoup de poissons. Et alors là, on nous appelait, bah, Au début, on n'avait pas la télé, j'allais dire, on téléphonait. On n'avait pas le téléphone, on venait nous appeler dans la rue, ils disaient, porte-moi 10 pains de glace ou 3 pains de glace, etc. Enfin, 2h du matin, minuit, n'importe. Tout le monde en voilà. Et puis arrive donc le début de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, le développement du commerce, etc. Cassis prend de l'ampleur, le tourisme, et on n'a plus assez de glace. On n'a plus assez de glace. Alors, où nous fournir? Personne ne pouvait nous fournir. Alors, on allait à la Ciotat, on nous le donnait au compte-gouttes. Et mon père apprend par je ne sais plus comment qu'à Aubagne, la municipalité qui possédait les abattoirs municipaux avait en même temps dans ses abattoirs une fabrique de glace qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas en fonctionnement. Alors, bon, j'abrège là aussi. Mon père prend contact avec monsieur, je ne me rappelle plus, enfin, le responsable, et on fait affaire, mais seulement, non seulement on avait la charge de notre fabrique de glace, d'Aubagne, mais il fallait aussi gérer le froid pour la viande qui était tuée à l'abattoir. Là. Alors donc on avait cette responsabilité-là aussi. Et alors ce qui fait qu'avec mon père, lui habitait finalement sur place, il couchait sur un mauvais divan comme un esclave là, à Aubagne. Une vie épouvantable pendant 7 ans, 47-54. Et moi, une nuit sur deux, j'allais le remplacer pour qu'il vienne se reposer sur la VF, etc. On a passé une vie épouvantable. Ah ouais. Enfin, bon. Mais le cassis s'est encore développé. On n'avait toujours pas assez de glace. Et alors, on a trouvé un complément avec les glacières de Paris au boulevard Daniel Casanova au Canet. Ce qui fait qu'on allait au bagne prendre notre glace, on avait cassis notre glace, et puis on avait les glacières de Paris. Mais un beau jour, les glacières de Paris, voyant ce qui se débitait ici, veulent monter un dépôt de glace qui serait devenu notre concurrent. Mais ils sont venus nous voir en nous disant, voilà, on vous choisit, a priori, on vous choisit. Seulement, il faut que vous cassiez, vous dénonciez votre contrat au bagne, et vous cassez votre fabrique, et à la place, vous mettez le chambre froide pour recevoir notre glace. Alors bon, j'abrège, mes parents ont foutu dehors, il s'appelait Monsieur Dame, le directeur, je me rappelle, et Monsieur Capaza, tous les deux. Mes parents, ma mère, surtout, les fichent dehors, disons. Et moi, quand j'arrive de livraison, je dis à mes parents, mais vous allez vous casser les dents, ils vont faire du dumping, là, ils vont vous bouffer, quoi. Il faut faire affaire avec eux. Enfin, bon, ça va, on rattrape le coup, et on est devenu leur dépositaire, au point qu'on faisait 20 tonnes de glace par jour. 800 pains par jour. Mais c'est ma femme est là, la folie. Ah ouais. C'était mortel, de l'esclavage. Du coup, il y avait qui, en fait, vos parents et vous... Voilà, après on avait du monde, on avait un gars qu'on a pris à la sortie de l'école, Marcel Gimeneau, et qu'on a gardé avec nous 22 ans. Puis un beau jour, nous on avait, parce qu'après on a modifié l'activité. Quand il y a eu les frigorifiques. Voilà, quand il y a eu les frigos, la glace tombée, on a joué de l'eau minérale, puis le vin, la mise en bouteille, puis les alcools, et puis enfin, devenu le... Il devait y avoir les buveurs de pastaga qui passaient chez vous, non? Ah ben, pas que les buveurs de pastaga, je vais vous faire voir. Mais c'est dans les années 50 que les gens commençaient à avoir la glacière chez eux. Ouais. Parce que là, c'était les bourgeois qui avaient les glacières. Ah ben, regarde, le bourgeois... Après... Non, ça, c'est celle de ma belle-mère. Hein. Ça nous sert de machin pour le téléphone. Mais déjà, quand les gens ont gardé les choses au frais, mais les gens, disons, les plus populaires, quoi. C'est dans les années 50 que ça s'est répandu, je crois. Même 50 peut passer, même. Peut passer, ouais. Moi, je me rappelle, dans le village, la première maison qui a eu une glacière, pas une frigidaire, une glacière. Regardez le pain de glace là. Ah, ouais, d'accord. Et mon père a l'outil à la main pour couper les morceaux. Mon père, ma mère. Taillait, quoi. Il faisait des glaces, il sortait des glaces. On coupait, mais les gens nous disaient donnez-moi 5 francs de glace, 5 francs. 5 sous. Un quart de pain, un demi-pain, un tiers de pain. Voilà. Oh, mais elle me rappelle quand au début. Et voilà, puis alors, le chaud. Et du coup, il y avait l'alcool aussi. Voilà, il y avait les alcools, etc. Et ici où nous sommes, là, c'était l'entrepôt, ici. Voilà, mais sachant que ça allait devenir caduque un jour. On avait prévu un peu dans l'entrepôt, on avait prévu les fenêtres déjà. Sachant que ce serait un appartement, ouais. Ce qu'il est devenu. Voilà. Voilà mais, l'histoire de. Mais ce qu'il ne vous a pas raconté, mon mari, c'est que les gens, ils livraient à domicile chez les particuliers. Les gens, ils mettaient devant la porte un plat avec des sous. Alors, donc, on savait comment avec les rondes, ils avaient. Et ça restait là, sur le trottoir, tranquille. J'allais à la plage pendant ce temps. On n'a jamais fauché un centime. Ouais.